Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, on vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau-Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. NFL avec notre ami Tony Gouzos du site le NFL, leblitznfl.com. Salut Tony. Salut Danny, ça va bien. Tony, tu voulais faire le... Bon, avant de commencer, on va inviter les gens à aller sur le site leblitznfl.com. Tu fais un sondage pour savoir un peu tes surprises et déceptions, c'est ça? Les lauréats. Les lauréats de mi-saison, comme le joueur offensif, le joueur défensif, le coach de l'année, le MVP, puis les recrues offensives et défensives. Okay. Fait que je fais un sondage sur les joueurs parce que on est déjà à la mi-saison dans la NFL, donc on tente un peu le terrain, eux, comment ils voient. J'ai donné 4 choix dans chaque catégorie, puis... Si tout va bien la semaine prochaine avec notre gang de la Blitz NFL, je vais dévoiler les résultats. OK. Donc, normalement, MVP, moi, je vais y aller avec Pat Mahomes. OK. Ben, en ce moment, si vous allez voter, le résultat sort. Là. Donc, si je vais rapidement, Pat Mahomes MVP, il est à 61%. Après ça, il y a 29%, c'est Drew Brees. OK. Drew Brees, écoute, c'est... Drew Brees qui connaît toute une saison aussi, donc non, c'est quand même très, très intéressant. Tu veux-tu le faire en direct? On peut le faire, puis on peut commander. Le joueur offensif, qui n'est pas un corps arrière, j'ai mis Gurley, Barkley, Adam Thielen des Vikings et Melvin Gordon des Chargers. Todd Gurley, il est à 88%. Le choix bébé, hein? Du monde. Le joueur défensif, on a Khalil Mack des Bears, J.J. Watt des Texans, Von Miller des Broncos, puis Aaron Donald des Rams. Moi, j'ai Aaron Donald. Aaron Donald, il est à 50%. Il mène en ce moment. Après ça, c'est Mac puis J.J. Watt. OK. La recrue offensive, on a Calvin Ridley, le receveur des Falcons, Baker Mayfield des Browns, Sam Darnold des Jets et Saquon Barkley des Giants. Saquon Barkley. 55% du monde ont voté. Celui qui vient après, c'est Ridley puis Baker Mayfield. OK. J'ai recrue défensive. OK. Il y a Derwin James des Chargers, Denzel Ward des Browns, Darius Leonard des Colts et Bradley Chubb des Broncos. OK. Je sais pas du tout. Tu sais pas? Non. On va aller à l'autre. L'entraîneur. Sean McVay des Rams, Andy Reid des Chiefs, Sean Payton des Saints et j'ai même mis Jay Gruden des Redskins. C'est bon? McVay au Grum, non, c'est parce Andy que Reed. Andy Reid. Sean Payton. À la mi-saison, jusqu'à là. C'est drôle, hein? Moi, j'irais. Et... C'est une première que j'ai. C'est parce que j'essaie de. Écoute, là, les gens vont me dire. Il y en a avec Sean McVay, tiens, mais. Okay. Parce que les Rams. Il est en 34%. Andy Reid est à 39%. Et Sean Payton, 24%. Un petit. J'ai eu un vote pour Jay Gruden. OK. Donc, MVP, on a passé. Fait que c'est les 6 questions qu'on demande sur le Blitz NFL. Je vous demande de venir voir puis faire vos votes, puis vous allez avoir les résultats une fois que vos votes. Puis nous, la semaine prochaine, notre équipe va dévoiler les lauréats de mi-saison. OK, on va y aller maintenant avec tes surprises et déceptions. Moi, la plus grande surprise, j'ai comme mis 4 équipes, mais je dois donner aux Chiefs la plus grande surprise. Les Chiefs, oui, on s'attendait, mais tu sais, ça fait une couple de semaines qu'on parle de John Gruden à Oakland avec ses plans, tout ça. Les Chiefs avaient un plan avec Pat Mahomes. Ils l'ont très bien préparé depuis l'année passée. Ils ont échangé Alex Smith, puis tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, là, puis l'encadrement qu'ils ont de Pat Mahomes, l'équipe joue très bien. La seule défaite, les Chiefs sont à 8-1, la seule défaite a été contre les Pats par 3 points. C'est ma plus grande surprise. Je donne aussi les Rams parce que je pensais que les joueurs qui sont allés chercher, les personnalités fortes, auraient peut-être nuit à la chimie de l'équipe. Mais c'est tout à l'honneur de Sean McVay d'ailleurs qui est mon Sean McVay qui tient très bien. C'est pas tout, on parle beaucoup de coaching, hein. Ouais. Fait que... C'est pas tout, tu sais, avoir des bons joueurs. Faut que tu fasses une bonne chimie. Puis il y a des égos dans ce vestiaire-là. Là. Exactement. Et McVay a réussi avec son jeune homme. Moi, j'en reviens pas. Le gars-là, t'as 33 ans, là. Ouais. 33 ans, puis dirigé comme ça, c'est impressionnant voir ça. Donc ensuite. J'ai mis les Saints. Ouais. Les Saints sont toujours une bonne équipe qui se battent, mais on dirait cette année, Drew Brees est en mission. Ils ont une excellente ligne offensive. Ils ont perdu le premier match, puis ils ont gagné depuis, donc 7 victoires de suite. C'est une belle équipe à voir jouer des deux côtés du ballon. Puis là, il vient de rajouter Dez Bryant. Ah ouais, c'est sûr. Ça, c'est. J'ai hâte de voir ça. En passant, pour les gens, à ce moment-ci, à l'heure qu'on se parle, il va pas jouer dimanche. Okay. Il semblerait qu'il y a encore à apprendre le livre des jeux. Mm-hmm. Puis, selon NFL Network, ils disent qu'il y a aussi un peu de poids à perdre parce que ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué. Effectivement. Fait que, puis, ma quatrième équipe, je dois donner aux Bears de Chicago. OK. Ils vont très bien avec Mitch Trubisky, puis le coach Matt Nagy va très bien, puis ils sont allés chercher Khalil Mack en début de saison. Ouais. Donc, ils connaissent un bon début de saison depuis 2012, dans le temps de Lovie Smith. Là. Je dois donner... c'est une petite surprise pour moi des Bears. Là. Je m'attendais pas qu'ils se débrouillent assez bien. Déception. À ce niveau-là. Déception, ma plus grosse déception, c'est les Jaguars. C'est unanime. Jaguars, si on prend un recul, on a toujours dit que Blake Bortles n'était pas si un bon corps arrière. Il a quand même bien joué l'année passée, mais là, cette année, il y a des prétendants. Il y en a qui les ont mis au Super Bowl. C'est ceux qui ont des blessures, donc ils n'ont pas aidé l'attaque, mais Bortles est redevenu Bortles. La ligne offensive ne produit pas. Il n'y a pas de playmakers, comme on dit. C'est sûr qu'ils jouent dans une division qui est un peu... la saison n'est pas encore finie, mais il était à un match de faire le Super Bowl. Puis, il y a eu des blessures. La blessure de Leonard Fournette aussi a nuit beaucoup. Là. Il va être de retour cette semaine. Ouais, mais le mal est fait. Ouais. Le mal est fait, donc OK. Ouais. Et as-tu d'autres déceptions? Les Packers. Oh, OK, oui, les Packers, effectivement. Les Packers sont à 3-4-1. Ça a l'air que des joueurs sont très, très déçus, très insatisfaits des appels de jeu des entraîneurs. Okay. Aaron Rodgers n'a pas l'air de s'amuser. Je sais que on je pense parle que beaucoup, le match contre les Rams va laisser des traces, hein? Oui, puis contre les Pats, ils ont pas vraiment on n'a pas vu grand chose non plus, hein? Fait que, mais ça s'est joué y a au quatrième quart d'insatisfaction. Ouais. Moi je trouve que ça s'est joué au quatrième quart contre les Pats, donc écoute, ça s'est joué au quatrième quart. Ils ont quand même tenu le coup pendant trois quarts à Foxborough. C'est jamais facile de gagner à Foxborough. Donc, il y a ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on dirait qu'il n'aide pas. On fait le tour, là, puis la constante qui revient, c'est soit tu as un bon coaching staff ou tu ne l'as pas. Qui aide les joueurs à les schémas de jeu. C'est pas calculé. Puis tu regardes Mike McCarthy sur le bord des lignes, il cherche encore avec son gros papier de jeu. Je ne sais pas. OK. Moi, je vais y aller avec ma surprise, ma déception. Ma surprise, c'est les Chiefs de Kansas City comme toi. On s'attendait pas à ce que ça fasse ça. Donc, Pat Mahomes Pat Mahomes surprend beaucoup. J'ai hâte de voir pour les séries éliminatoires. Mike Holmgren, mais il n'a jamais gagné. Andy Reid n'a jamais été extraordinaire durant les matchs éliminatoires. Donc, ça, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un gros point d'interrogation. Comment Pat Mahomes va jouer durant les matchs éliminatoires aussi? Ça, c'est un autre point d'interrogation. Donc, on va se garder une petite gêne. Mais jusqu'à maintenant, les Chiefs, ils sont vraiment divertissants. Déception, la même affaire. Les Jaguars de Jacksonville n'ont pas le choix. Les Jaguars qui ont pensé qu'ils allaient être très, très compétitifs avec la défensive pour être compétitif. La blessure de Leonard Fournette a fait mal avec vous aussi. Donc, les Jaguars. Et mon autre déception, c'est les Raiders d'Oakland. Quelle déception! John Gruden, on s'attendait beaucoup, beaucoup à John Gruden. Je le gardais pour toi, Danny. Okay. Je savais que tu t'en allais dire les Raiders. Je l'ai dans ma liste. Puis la note que j'ai écrite là, pour les Raiders, j'ai dit, c'est pas une reconstruction, c'est une déconstruction. Destruction. C'est une destruction. C'est incroyable ce qui se passe là. Derek Carr va être échangé. Si on suit le plan Gruden, Derek Carr n'a plus d'affaires à Oakland, donc lui aussi devrait partir. Non, c'est ça mes déceptions. Tu voulais me parler également des coachs qui sont sur la corde raide. Moi, j'en vois un, c'est sûr et certain. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'après le match de lundi soir, qui n'a pas été congédié, ça fait au moins 2 ans qu'on entend parler que Jared Jones va le congédier, c'est Jason Garrett. Entièrement d'accord avec toi, Danny. Puis je me demande, parce que j'essaie de regarder, voir qu'est-ce qui se passe. Jerry Jones, il aime beaucoup Jason Garrett, mais je me demande s'il y a bien des coachs qui ne veulent pas jouer pour Jerry Jones. Regardez dans les années 90, même avec Jimmy Johnson ou comment il s'appelle, Barry Switzer, c'est ça? Switzer, oui, là, oui, Barry Switzer. Oui. On dirait que c'est difficile pour jouer pour Jerry Jones, mais je comprends pas Jerry Jones. En plus, il est propriétaire, il est DG. Il veut-tu gagner ou il veut pas gagner? Je sais pas. Puis, prendre la place, en tout cas. Le problème, c'est pas les joueurs qu'il y a, là, parce que là, t'as quand même, OK, Dak Prescott est capable de bien faire ça. T'as l'un des meilleurs porteurs de ballon dans la ligue en Zeke Elliott. Là, tu viens d'avoir Amari Cooper comme receveur de passe qui est quand même dans les meilleurs, qui est très bon. Tu avais une bonne ligne offensive dans le temps. Fait qu'ils ont les bons joueurs pour aller loin. Mm. C'est le coach le problème. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Jason Garrett, c'est pas une question d'argent. Il aime ça dépenser. Et ça fait longtemps que Jason Garrett, on pensait que du côté des Giants, pas des Giants, mais des Cowboys qui allaient être congédiés. Mais il est encore en place, puis je pense que c'est... Dans les autres les autres qui pourraient lever, Pat Shurmur avec les Giants? Ah, il vient de commencer. OK. C'est pas lui le problème. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes avec Eli Manning, là, tout ça. Fait que ils n'ont pas repêché un corps arrière. Fait que je pense qu'il va lui donner la chance à Pat Shurmur. OK. J'en ai parlé tantôt. Mike McCarthy peut être sur un siège. Bien. Ben, c'est vrai que McCarthy, par contre, ça fait longtemps qu'il est là. Ben, maintenant, la poutine peut partir. Parce qu'ils n'ont rien fait. Hein. Après Rodgers, tout ce monde-là, sont allés changer des joueurs, mais ils n'ont rien eu en retour. Les repêchages, c'est assez tranquille. Puis il y a un autre coach qui a bien été, qui va peut-être être sur un siège chaud, c'est John Harbaugh à Baltimore. Oui. Ben, il y avait déjà des rumeurs la semaine passée. C'est ça. Fait que on dirait que c'est un autre qui tombe dans la catégorie il faut changer, le message ne passe plus. Là. Mm. Fait qu'un peu comme Andy Reid quand il a quitté Philadelphie dans le temps. Donc, il y a un nouveau DG, je pense aussi, va faire sa marque. Mais lui, il n'y aura pas de problème à se trouver d'autres emplois. Un qu'on entend souvent parler, est-ce que ça va être la fin, mais on va voir en série, c'est Marvin Lewis. Des Bengals. Ah, regarde, Marvin Lewis, lui, il est pire qu'un chat. On dit qu'un chat a 7 vies. Lui, il y en a plus que ça. Je pense qu'il y en a 12. Ça s'explique parce que les Bengals, c'est pas des dépensieux. C'est ça qui s'explique. Ouais, c'est ça. Puis un autre, je sais pas. Je sais que John Elway, il est peut-être pas content. Ouais. Mais il y a Vance Joseph là, à Denver qui a pas bien marqué des points depuis qu'il est là. Fait que c'est les grands noms qu'on entend. Mais John Elway, es-tu capable de bien recruter un carrière? Moi, je pense que non. Non, hein? C'est... Il me fait penser à Wayne Gretzky quand il est allé coacher ou diriger des équipes hockey. Tu sais, regardes ça, depuis... t'as eu quoi de bon carrière Denver depuis John Elway, justement? Pas eu grand-chose. Mais exactement, mais tu sais, il pensait de. Tu sais, quand il est allé signer Case Keenum l'année passée, il s'est dit, ah, j'ai une bonne défensive, mais un corps comme lui peut faire la différence. Mais il est pas, l'attaque est pas. Il n'y a pas de jeu, pas de playmaker, comme on dit. Là. Il n'y a pas un bon porteur de ballon solide. Donc, il faut qu'il y ait une balance dans les trois niveaux de jeu, là, quand on parle corps arrière, porteur, receveur. Mais je pense que. Mais j'ai hâte de voir. On dirait que je pense qu'ils vont finir la saison. Il reste quoi, là, quelques semaines? Oh, ouais. Là. Mais je ne sais pas s'il va y avoir un autre entraîneur congédié pendant la saison ou ils vont attendre à la fin. Donc, c'est ça tes entraîneurs que tu vois. Bon, on va y aller avec les matchs de la semaine. C'est pas un grand cru cette semaine. non. C'est pas. Écoute, c'est une demi-finale des Canadiens de football. Je pense qu'à 4h, à 4h, je vais écouter, ça semble que je vais écouter Winnipeg, Saskatchewan, ça va être très bon. Mais il y a bien du monde qui snob les Canadiens, pas moi. Mais parce qu'à 4h, il n'y a pas grand-chose. Le meilleur match était supposé être hier, mais on oublie ça, là. Mais ça devait être hier. Mais il y a une équipe qui ne s'est pas présentée, c'est les Panthers de Caroline. Et il y a une équipe qui est en feu. Big Ben, 5 passes de toucher. Et donc les Steelers ont remporté 52-21. Incroyable. Ouais. Il y a quelques matchs qui peuvent être assez intéressants. Moi, j'en retiens un, c'est Nouvelle-Orléans à Cincinnati. Oui. Cincinnati, ben là, ils n'ont pas leur receveur vedette, ouais. AJ Green. Ouais. Puis là, on vient de mentionner pour les Saints, Dez Bryant ne jouera pas, mais les Saints, on va voir, sont quand même sur la route. Ils vont être à Cincinnati. Puis après avoir gagné un gros match contre les Rams, la semaine passée, est-ce qu'ils vont avoir assez de jus pour ça? Mais moi aussi, Cincinnati a toujours été une bonne équipe de saison, comme on dit. Moi aussi, je le vois dans la liste parce que dans les autres matchs, c'est toutes des petites affaires de joueurs ou ça à surveiller. Là, j'avais noté même les Jaguars, même s'ils jouent contre les Colts, j'ai hâte de voir le retour de Fournette. On va voir comment les Jaguars vont être de retour sur le chemin de la victoire. Il y a les Seahawks, les Rams, qui peut être intéressant aussi à voir. À 16h. On va voir comment les Rams vont se débrouiller après avoir perdu. On dit toujours qu'après une défaite, ben, ça donne une bonne une tape dans le derrière, comme on dit. Là. Ouais. Les Seahawks jouent bien dernièrement. Ils perdent très bien sur la route. Ouais. Fait qu'on va voir, mais comme tu dis, on peut regarder d'autres choses en fin de semaine. Ouais. Tu sais, il y a la grande rivalité Cowboys-Eagles. Oui, mais c'est deux équipes. C'est ça qui est ça. Ouais. Ils parlent, même les Packers qui vont, on oublie, ils vont jouer contre les Dolphins, donc ils ont peut-être tendance à l'oublier, mais il y a bien des gens qui prédisent une surprise des Dolphins face aux Packers, vu que ça va pas très bien à Green Bay, mais c'est, on pourrait écouter la Ligue canadienne. Ben, moi, j'écoute la Ligue canadienne, puis t'es pas le gars qui snob ça. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que tu es capable t'es ouvert ça d'esprit. Moi, ça me fait tellement rire, les gens qui disent la NFL, là, j'écoute bien que la NFL, là, les Canadiens. C'est deux sports pratiquement différents. Fait que c'est comparer des pommes avec des oranges. Ouais. Là. J'ai même dit, t'sais, pour améliorer peut-être le sport éventuellement, on devrait peut-être uniformiser les règlements une fois pour toutes dans toutes les ligues, mais la Ligue canadienne a son petit côté unique là, au niveau, mais c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident parce que là, avec les nouvelles ligues qui vont venir, là, la Alliance puis la XFL, là, je me demande la Ligue canadienne s'il va avoir un bon bassin de joueurs. Ben là, on a annoncé, je sais pas si tu as vu passer ça, j'ai pas eu le temps d'en parler avec Pascal Masson parce que c'était bien des Alouettes, mais on a annoncé qu'on allait jouer deux matchs au Mexique. L'an prochain, et on parle d'un partenariat de plus en plus grand entre la Ligue canadienne et le Mexique. On pourrait voir des Mexicains jouer dans la Ligue canadienne. Ben oui, j'ai entendu ça. Puis il y a aussi la nouvelle que peut-être dans les Maritimes. Oui, Halifax s'en irait là aussi. Ils ont décidé de vendre des billets d'avance pour voir si sont viables à avoir une équipe dans les Maritimes. Là, on pourrait au moins avoir une ligue à nombre pair. Ah oui, c'est normal. Ouais. Ben, Tony, on se reparle puis on invite les gens à aller sur ton site, leblitznfl.com, pour le résultat du sondage. Donc, on invite les gens à aller sur le site. Ben, merci beaucoup puis bon week-end de football. Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com.